troisième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire, titré « Quand le public s'empare de l'histoire », toute la semaine, en effet, nous vous parlons des usages de l'histoire dans l'espace public, de ce qu'on appelle parfois la public history ou encore l'histoire publique. Hier, le documentaire d'Olivier Chomel, réalisé par Anne Fleury, nous a conduit à Romorantin et à Amboise, là où en juillet dernier, historiens et amateurs ont recréé la reconstitution de la bataille de Marignan, telle qu'elle avait été conçue à Amboise en 1518 par Léonard de Vinci. Aujourd'hui, eh bien, Victor Massé de l'Épinay et Séverine Cassard nous emmènent à Waterloo, là où en juin dernier, des milliers de reconstitueurs ont rejoué la défaite de Napoléon. Waterloo 2015, côté bivouac, le quotidien des reconstitueurs. C'est le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Séverine Cassard jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Je suis un pauvre conscrit de l'an 1810. Je suis un pauvre conscrit de l'an 1810. Faut quitter le Languedoc, le Languedoc, le Languedoc. Faut quitter le Languedoc avec son sac sur le dos. Il faut savoir que pour Waterloo, les troupes ont marché toute la nuit du 17 au 18 sous les orages, sont arrivées ici avec de la boue jusqu'à mi-mollet, ils se sont enroulés dans le manteau et ils ont dormi. C'était comme ça le quotidien du soldat de l'époque. On a difficile à imaginer comment ces gens ont pu endurer. Ils avaient, à mon avis, d'autres constitutions que les nôtres. Ils avaient une endurance qui dépasse l'imagination actuelle. Moi, Napoléon, c'est pas ma vedette. Hein. Il y en a beaucoup ici, c'est tout défendu de Napoléon. Moi, Napoléon, c'est un tyran mégalomane, un monstre, tout ce que vous voulez. Parce que nous n'avions pas de logistique, pas de nourriture, pas de tente. Hein, parce que les tentes, vous voyez, dans le reconstitue, il n'y en avait pas à Napoléon. Donc tu marches toute ta journée, tu fais 30 km. Le soir, tu sais que tu n'as rien bouffé, que le lendemain, tu auras peut-être la jambe coupée. Et que le soir, eh ben, tu t'assieds, tu restes trempé toute la nuit. Tu manges du pain de munitions, qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est un pain très spécial qu'on fait faire aux hommes avant de partir, qui tient très longtemps. Et alors, on doit tremper ce pain dans un peu de potage, quoi, pour le ramollir. Ça, c'était, disons, le quotidien. Waterloo 2015, côté bivouac. Vous pouvez apprendre l'histoire en lisant des livres. Vous pouvez apprendre l'histoire en allant dans des musées. Mais jamais vous sentirez la poudre. Jamais vous ne comprendrez que le voisin puisse vous blesser avec son fusil alors qu'il tire devant. Tout ça, ce sont des petits détails qu'on ne comprend que lorsque l'on joue ce rôle. Nous, reconstitueurs, adorons lire les mémoires des soldats. Parce que lorsqu'ils racontent leur vie, ils donnent tout un tas de petits détails. Nous sortons finalement de l'histoire macroscopique. À échelle nationale, Napoléon gagne une bataille à telle date, à tel endroit. Mais nous, à notre échelle, nous reconstituons l'individu. Toutes ces choses n'appartiennent pas à l'histoire. Elles ont été oubliées. Et c'est notre rôle de les retrouver, de les mettre en application, de les tester et d'en tirer des conséquences. Marche ! Ne les appelez pas figurants, ils sont reconstitueurs. Ils n'ont pas revêtu des costumes qu'on leur aurait fournis, mais des uniformes qui leur appartiennent. Ils n'attendent pas les consignes d'un metteur en scène, mais obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Et même si plus de 100 000 spectateurs sont attendus, ils ne sont pas venus pour faire le show, mais pour vivre une expérience. Cette expérience, la reconstitution historique, est une passion qui se vit tout au long de l'année dans des rassemblements de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Mais en ce mois de juin 2015, dans cette morne plaine du Brabant wallon, ce qui se prépare est d'une ampleur assez exceptionnelle. On célèbre en effet le 200e anniversaire de la bataille de Waterloo. Depuis une semaine, les cérémonies protocolaires se succèdent. Ce 17 juin, par exemple, le prince Charles vient inaugurer le nouveau musée de la ferme d'Hougoumont. Dans le même temps, dans les bivouacs, les reconstitueurs s'installent, organisent leur quotidien et manœuvrent pour préparer la bataille. Pour organiser, planifier, sécuriser tout cela, des centaines de personnes travaillent depuis plus d'un an sous la houlette d'Étienne Claude, que nous retrouvons au pied de la butte du Lion, érigée en 1826 par Guillaume Ier des Pays-Bas et qui domine la plaine. On a 226 marches à monter, on va culminer à 47 mètres de hauteur et on a une vue magnifique sur le champ de bataille qui est préservé, puisqu'il faut savoir que grâce à une loi de la préservation du champ de bataille en 1914, on a vraiment le paysage tel qu'il pouvait être à l'époque, ce qui nous permet de pouvoir expliquer aux gens ce qui s'est réellement passé avec cette fameuse crête que les soldats de l'armée napoléonienne ont eu du mal à atteindre, finalement à vaincre les troupes alliées. Donc tout ça fait un mélange, je veux dire, d'histoire et de compréhension pour l'ensemble du public. Alors, Étienne Claude, on a gravi ces 246 marches, c'est ça ? 226. 226 marches. À regarder un peu. Oui. Alors, les reconstitueurs, ils viennent de toute l'Europe ? Oui, ils viennent de 52 pays différents d'Europe, même de plus loin, puisqu'on a des reconstitueurs qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Canada, des pays d'Amérique latine. Nous les avons sélectionnés d'abord par rapport à l'authenticité de leurs uniformes, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous voulons qu'ils aient une expérience en termes de reconstitution, parce que vous devez obéir au roulement de tambour, au son des cornemuses. On n'a pas de moyens modernes, en tout cas pour communiquer au niveau des troupes, donc ils ont dû étudier les mouvements, les phases de la bataille, et dans les bivouacs, il y aura des séances d'entraînement pour ces différentes troupes. Et c'est vous qui avez sélectionné les reconstitueurs. Il y a eu des lettres de candidature qui sont arrivées du monde entier. On a inauguré, on va dire, un procédé un peu nouveau, en tout cas pour les reconstitueurs. C'était d'ouvrir un site internet qui leur est dédié, où donc ils devaient s'inscrire, rentrer une fiche, décrire leurs armes, de quel corps ils faisaient partie. Et donc, en fonction de cela, eh bien, sur les 8000 reconstitueurs, on en a sélectionné 5200, plus 1000 accompagnants qui sont des vivandières, des cantinières, etc. Caillasse. Bivouac de la cavalerie française. Vous devez être en selle, en uniforme, à 19h. Parce que vous partez avec les dragons de l'impératrice. Et l'empereur et Ney et compagnie. Dédé Reinhardt, responsable du bivouac. Vous avez 4e hussard, vous avez le 2e dragon, le 7e, 5e et 3e cuirassier, dont des Américains. On a les chasseurs à cheval de la garde. J'ai des lanciers de la garde et les dragons de l'impératrice, je crois. Ah oui, et des chasseurs de la ligne. Tout ça représente combien d'hommes, combien de chevaux ? Alors j'ai 210 chevaux ici sur place, et ça va faire bien entendu 210 cavaliers, plus les accompagnants, ça va me faire plus ou moins 300 personnes à loger. Il n'est pas encore là. Tu as un blessé ? Non, mais je parle de chevaux, moi. Vous êtes humain. Je suis d'abord cavalier avant d'être reconstitueur. Ouais, ouais. Et vous allez être reconstitueur? Non, moi j'ai arrêté l'année passée. J'ai raccroché, j'ai vendu l'uniforme. Ah, j'ai terminé. C'était quel uniforme? Cuirassier, le 7e cuirassier, oui. Et vous avez reconstitué combien de batailles? Oh là, quasi tous les bicentenaires. C'était pas ma tasse de thé, les bicentenaires, parce qu'il y a un petit peu toute tendance dans la reconstitution historique. Il y a les gars qui adorent ça, les bicentenaires. Moi, j'aime pas trop l'idée de devoir de mémoire, me dérange un peu. Moi, c'est surtout pour essayer de revivre, de se rapprocher de comment vivaient les cavaliers de l'époque, ce que vivaient les chevaux de l'époque. Ça aussi, c'est très difficile parce que les chevaux de maintenant n'ont plus rien à voir avec les chevaux de l'époque. Un cheval, c'était de la matière première, comme votre voiture à l'heure actuelle. Ça doit démarrer le matin, pas vous embêter, et voilà. Maintenant, évidemment, on est tombé dans du sentimentalisme parce que le cheval est un loisir, c'est un animal de compagnie, qu'on caresse, on donne un sucre. À l'époque, c'était tout autre chose. Qu'on cherchait un cheval hyper froid qui ne bougeait pas. Parce que, faut bien vous dire qu'ils n'étaient pas tous cavaliers. Donc, ils devaient être sur un cheval, qu'ils n'essayaient pas de les débarquer, que quand ils descendaient du cheval, on pouvait poser le cheval là et aller faire ce qu'on avait à faire, revenir, reprendre le cheval. Des chevaux comme ça, à l'heure actuelle, ça n'existe quasi plus, peut-être un petit peu vers les chevaux hispaniques ou bien le quarter horse, le cheval américain. Parce qu'ils sont dressés comme ça. Ouais, et ça, à l'époque, de cette taille-là, ça n'existait pas. C'est un cheval qui doit faire de 1m65, 1m70. Un grand cheval de l'époque faisait 1m59. C'était un grand cheval. Et ça, tous ces renseignements sur la taille des chevaux, vous les avez... Dans les écrits de cavaliers de l'époque, on appelle ça des sources primaires, qui parlent de leurs chevaux, qui parlent de leur équipement, de leurs difficultés. des choses pas très sympas non plus qui se passaient avec les chevaux, comme des cavaliers qui blessaient leurs chevaux exprès pour ne pas partir. En temps de guerre, ils étaient fusillés pour ça. Ils prenaient des graviers, ils les mettaient en dessous des selles pour leur blesser le dos, pour les rendre inaptes, ce qui leur donnait un peu de congé ou un peu de répit. C'était pas courant, mais ça arrivait. Donnez. Et les chevaux étaient aussi pris pour cible beaucoup par les fantassins pendant les charges de cavalerie. Je ne pense pas que le cheval était particulièrement visé. Ce sont ce qu'on appelle l'infanterie effectuée des tirs de fil. Ce n'était pas des fusils comme maintenant où on vise, on ajuste, on pointe et on tire. Plus le côté panique, quand vous voyez des cavaliers qui arrivent sur vous, ça ne doit pas être évident. Je pense qu'ils vidaient surtout leurs fusils en direction des cavaliers. Mais de là à vous dire qu'ils visaient la tête, la poitrine ou le cheval, je ne crois pas. Maintenant aussi, il y a des tas d'images qui existent, qui sont fausses. C'est ça qui est très intéressant, par exemple, de faire de la reconstitution. Les charges de cavalerie, ce n'est pas au grand galop comme tout le monde s'imagine. Si vous mettez des chevaux au galop, vous allez perdre l'avantage du botte à botte. Donc les chevaux vont se disperser. Vous n'aurez plus la force d'impact dans un rang d'infanterie. Donc en général, ils démarraient une charge au pas, sous l'ordre de l'officier, puis ils passaient au petit trot. Donc les chevaux devaient être le plus serrés, le plus compact possible. Et dans les 20 derniers mètres, ou les 15 derniers mètres, voire les 10 derniers mètres, là on lançait un galop pour avoir une force d'impact, de pénétration dans les troupes alliées. C'est pour ça que des hussards ne chargeaient jamais de l'infanterie. C'est de la cavalerie légère, ce sont des gars qui galopent énormément. Les hussards espéraient que les cuirassiers fassent un trou dans une ligne d'infanterie, et là ils pénétraient, et là ils sabraient. La cavalerie lourde, eux, leur job, c'est de charger botte à botte. C'est vraiment un rouleau compresseur. Nous, on est à l'avant de l'armée ou sur les côtés et on va éclairer. Je m'appelle Gilbert Di Franco, donc je fais partie d'une association qui s'appelle La Brigade Infernale. On est venu avec une autre association qui s'appelle Excalibur Île-de-France. Et on fait donc du 5e régiment de hussards français. Quand on approche avec l'armée d'un village, quand on approche d'un bois, on va aller vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur pour permettre à l'armée d'avancer rapidement sans se poser de questions. Et on va dégager tous les ennemis qui peuvent essayer de tendre des pièges. On va faire ce qu'on appelle fourrager. On va aller récupérer de la nourriture pour alimenter la colonne de l'armée qui, elle, ne doit pas dévier de sa route et avance en permanence. Pendant la bataille, on va poursuivre les ennemis qui battent en retraite pour les empêcher de revenir dans le champ de bataille. Ou après la bataille, carrément les poursuivre aussi pour les capturer et les empêcher de se regrouper quelques jours après et de reformer l'armée pour pouvoir redonner une deuxième bataille. Ce qui a été le cas ici, qui n'a pas été réussi. C'est-à-dire qu'il y a eu la bataille de Ligny, et 3 ou 4 jours plus tard, ils vont se reformer pour faire la bataille de Waterloo. Vous parlez des troupes de Blücher ? Tout à fait, oui. Les troupes prussiennes. Mais l'armée était tellement fourbue, avait tellement marché, qu'ils n'ont pas été capables de les poursuivre. Et quand d'ailleurs Grouchy va essayer d'aller les intercepter, il ne sera pas au bon endroit. Grouchy, il était hussard ? Alors Grouchy, il est général de cavalerie. Donc il a sous ses ordres à la fois de la cavalerie lourde et à la fois de la cavalerie légère. Et lui va accompagner les cavaliers légers pour essayer de poursuivre les Prussiens. Donc les hussards sont plus mobiles, plus rapides ? Beaucoup plus mobiles par rapport aux cuirassiers. On a des bottes très courtes qui montent à peine à mi-mollet, qui nous permettent de marcher, par exemple, beaucoup plus facilement que les bottes de cuirassier qui couvrent le genou. On va avoir un mousqueton. Le mousqueton, c'est un fusil court. Pourquoi ? Bah, quand vous avez des gens qui sont retranchés avec des fusils dans une grange, si vous voulez pouvoir riposter sur eux, il vous faut une arme un peu plus longue. Avec un sabre, vous ne sortez pas des gens d'une grange ou d'une maison, quoi. Et puis, l'autre différence entre les hussards et le reste de la cavalerie française, c'est que les hussards sont de tradition hongroise. Il y a une énorme quantité de tresses et de boutons décoratifs qui viennent en fait des caftans hongrois. Ils ont aussi la sabretache, ça vient dit tache en allemand, la poche, qui est accrochée sur le ceinturon. C'est vraiment un habit traditionnel de cavalerie qui est beaucoup plus flamboyant que l'habit traditionnel français. Donc c'est aussi ce qui nous attire. Ce qui nous a attiré aussi, c'est les faits d'armes de notre régiment. C'est un des seuls régiments qui a réussi à prendre une ville, la ville de Stettin, sous les ordres du général Lassalle. En fait, ils vont faire illusion en faisant croire qu'ils sont accompagnés par des pièces d'artillerie, en tractant des troncs d'arbres derrière leurs chevaux. Et quand les gens de la ville vont se rendre en croyant qu'ils sont encerclés, quand ils vont s'apercevoir qu'il y a que des cavaliers à l'extérieur, mais ça sera trop tard. Une fois qu'ils seront sortis de la ville et que les portes sont ouvertes, ils peuvent plus se défendre. Waterloo, Waterloo, where will you... Monsieur Bouvou, je peux vous poser quelques questions? Oui. On récupère un peu là. On a la chance d'être avec Napoléon. Oui, oui, oui. Alors, comment s'est passée la journée? Ben, on a fait. On est parti de Ligny à cheval et on a fait nos 30 km. Donc, c'est un peu fatigant. Sous le soleil? Oui, oui, oui, oui. On n'a pas eu froid du tout, du tout. Il y a 200 ans, c'était plutôt pluvieux. La veille de la bataille, c'est pluvieux. Maintenant, on est l'avant-veille. Donc. Ah, voilà, une poubelle, c'est ce que je cherche. Et alors, Franck Sanson, je crois que c'est la dernière fois que vous allez interpréter ou camper Napoléon, je ne sais pas comment vous alors dites. Alors moi, ça doit être une erreur parce que je m'appelle Napoléon Bonaparte. Ah oui, d'accord. Vous avez dû pardon, vous tromper. Alors, sire. Voilà, ça c'est mieux. Sire, comment est-ce que vous sentez la bataille qui approche? Bah, je pense que elle se présente plutôt bien, puisque nous avons vaincu et écrasé les Prussiens à Ligny. Je sais que je n'aurai plus de problème avec les Prussiens puisqu'ils sont partis, les lâches. Grouchy va les rattraper et finir de détruire l'armée prussienne. Donc je n'aurai plus de problème avec les Prussiens. Et il ne reste plus que les Anglais parce que je me suis dit que j'allais les battre séparément. Bon, mais n'allez pas leur répéter. Hein. Donc il ne devrait pas y avoir de difficultés. Vous connaissez bien le champ de bataille? Oui, on a été le reconnaître hier avec le maréchal Ney. Je vais certainement demander à mon frère de faire une diversion sur le flanc gauche. Sur Hougoumont? Oui, voilà. Et puis ensuite, on enfoncera le centre. De manière générale, grande confiance à vos maréchaux? Oui, Ney va s'occuper de la cavalerie. Bon, il est grand maréchal, très valeureux, hein, mais madipocatesta. Madipocatesta, c'est du Corse? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit esprit. Beaucoup de bravoure, mais petite tête, folle tête. Quand on reconstitue, on a toujours une interprétation, peut-être particulièrement pour Waterloo, où il y a eu dans l'histoire, on a cherché des coupables qui ne sont pas toujours bien sûr, les mêmes. Oh là là, oui, il faut savoir que Waterloo est quand même une des batailles les plus compliquées qu'il y a eu sur l'histoire d'Empire quand même. Il y a eu un tas d'enchaînements, ce n'est pas la faute d'une personne. On pourrait accuser Drouot par exemple, qui a demandé qu'on retarde la bataille de 6 heures. Parce qu'il y avait eu des violents orages dans la nuit du 17 au 18, Drouot était un artilleur, un officier d'artillerie. Et il avait influencé l'empereur en disant « Laissez-nous le temps que le terrain s'assèche ». Si à ce moment-là, l'empereur lui dit non, on lance la bataille à 6 ou 7 heures du matin comme prévu, Blücher n'a pas le temps, mais là on repart dans les 6. Là, Blücher n'a pas le temps de rejoindre, il entame Wellington qui lui, à 16 heures, était convaincu qu'il avait bataille perdue. On ne s'attendait pas à voir Blücher arriver. Donc ce sont des 6. Si Jérôme ne s'épuise pas sur Hougoumont, alors qu'il avait l'ordre, si ça ne tombait pas, de passer Hougoumont, et Jérôme, qui n'était pas une lumière, ben, il s'est entêté à vouloir faire tomber Hougoumont. C'était des Anglais dans Hougoumont. C'était pas des Russes, des Autrichiens, des Prussiens. C'était une armée professionnelle, aguerrie. L'Anglais est un guerrier, a toujours été, ça sera toujours un guerrier. Et on ne fait pas plier l'Angleterre comme ça. La preuve. Alors un des grands épisodes de la cavalerie, c'est les charges du maréchal Ney contre les carrés, justement, ouais, qui ont été... Ben, c'est-à-dire que le maréchal Ney a fait pas mal d'erreurs. Il a un peu épuisé sa cavalerie en lançant 11 charges sur les carrés anglais. Et je crois qu'il n'en a entamé qu'un ou deux carrés anglais. Ils ont mal chargé parce qu'ils ont pris des grands galops. Ils ont, au lieu de pénétrer les carrés, ils ont commencé à galoper entre les carrés. Et ça a été du tir au pigeon. Et l'empereur, d'ailleurs, quand il a vu Ney lancer, il a dit, je pense, à le fou. Mais Napoléon était comme ça, le vin était tiré, il fallait le boire. Donc il a embrayé sur l'action de son maréchal. Mais ce n'était pas un ordre formel de Napoléon. J'ai eu le maréchal Ney tout à l'heure au téléphone. Mon Dieu. Il m'a dit qu'il était sur la route, encore 3 heures de... Ah oui, oui, oui, oui. Il n'arrête pas, parce qu'en plus, Francky fait partie de l'organisation aussi. Tous les ans, notre maréchal Ney fait du zèle. Francky Simon, vous êtes le conseiller militaire de ces deux reconstitutions qui vont avoir lieu. Oui, on peut dire. Ouais. Je suis plutôt le metteur en scène des événements de Waterloo, donc de la bataille, des deux jours. Mais sur la bataille de Waterloo, il y a eu plusieurs interprétations. Depuis quelques années, par exemple, Grouchy et... C'est le mythe, hein. C'est le mythe de Waterloo. D'ailleurs, tous les jours, les historiens vont dire « j'ai trouvé la vérité ». Vous, quand vous mettez en scène, vous privilégiez une vision, une... Moi, je ne mets pas de vision. Moi, je fais ce qu'on a nu dans les mémoires et j'applique ce qui est possible d'appliquer sur le terrain. Maintenant, je ne donne pas des causes à cette défaite. Il y a plein de causes, il y a multiples causes. Et Il y a plein de choses qui ont pu, je dirais, fatiguer cet empire, c'est Napoléon, et voilà, bon, c'est le destin. Et quelle est la source que vous privilégiez? C'est les mémoires de Napoléon? Non, sûrement pas, non. Non. Sûrement songer. Ah, non, sûrement pas. Alors, c'est pas non plus Victor Hugo? Non, ça c'est du roman. Non. Bah, je pense que les sources primaires, c'est des mémoires. Et les mémoires écrites, ça, vous avez tout gagné. Là, vous forgez vous-même votre bataille de Waterloo, en fait. Parce qu'il y a eu un colloque avec, je crois, 20 ou 25 historiens. Ils sont tous disputés pour savoir comment s'était passée la bataille de Waterloo et les causes. Et dans 50 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, on se disputera encore la cause de la bataille de Waterloo. Vous avez forcément une vision là-dedans. Moi, je ne sais pas comprendre. Moi, je représente une scène d'histoire. Et comme je joue le maréchal Ney, bah, je vais un peu enlever ce qu'on a rapproché au maréchal Ney. Il est sous l'ordre de l'empereur. C'est l'empereur qui demande de charger. Ce n'est pas lui qui est responsable que tout le monde le suit. Lui, il est responsable du 1er, 2e et 6e corps, pas de la guerre. La guerre le suit. Qui est responsable? Ça fait combien de temps que vous êtes le maréchal Ney dans la reconstitution? Je crois que ça fait une dizaine d'années. Au début, j'étais un peu soldat, comme à l'époque. J'ai commencé en 1799. Donc j'ai appris l'école du soldat, j'étais un conscrit. Puis j'ai appris l'école du peloton, puis l'école du bataillon. Et en plus de ça, j'étais cavalier. Donc ça a été une facilité pour moi passer au rôle d'un général. Je peux jouer des autres rôles, hein. C'est pas que je venais. En Espagne, j'ai joué Juno, j'ai joué Soult. À Borodino, j'étais Eugène de Beauharnais. Et alors, entre vous, l'état-major, vous faites des réunions le soir? On fait des réunions et on fait comme à l'époque, hein. Donc c'est reconstitué, en fait. Enfin, donc, quand vous imaginez 6000 personnes, il n'est pas possible de faire des répétitions. Tous ces groupes vont faire des mouvements et se rassembler, puisqu'ils viennent de différentes nations. Les heures sont tous données en français. Et on n'a rien inventé, puisque c'est un règlement français aussi. C'est le règlement de août 1791. Donc on part sur le champ de bataille, et ça va comme une hiérarchie. Donc il y a le commandant en chef qui dispatche à sa chef de corps, aux généraux de division brigade, brigade, régiment, bataillon, capitaine, peloton, quoi. Et c'est vous qui avez, par exemple, en tête le chronomètre là, sur le champ de bataille, vous allez devoir avoir l'œil à tout? J'ai pas de chronomètre. On ne sait pas chronométrer quelque chose comme ça, c'est trop grand. Donc on prend des bases, un canevas et on part comme ça, quoi. Et vous êtes historien à l'origine ou... Non, pas du tout. Mais je suis plus fort qu'un historien. Vanaf nu spreken we alleen nog Vlaams. Vous êtes belge? Oui, je suis belge. Et après un peu flamand. Mais vous êtes dans l'armée française? Ah oui. Vive Napoléon, vive l'empereur. Jusqu'à la mort. Et la mort, c'est quand? J'espère pas aujourd'hui. J'ai des livres. Sur Internet, on trouve tout. Il faut être un peu documenté. Sinon, tu sais pas jouer une bataille, quoi. Vous, dans la bataille de Waterloo de demain, où est-ce que vous serez positionné? Vous savez déjà tout ça? Je sais pas encore. Il faut demander le chef, là, mais moi, je sais pas encore. Je suis simple soldat. J'obéis tout le temps. Et vous êtes artilleur? 3e artillerie à pied. Et alors vous, quel est votre rôle par rapport au canon? Je bourre. Quand on met la gargousse dedans, c'est moi qui bourre. Et... La gargousse? C'est le poudre. C'est pas comme à l'époque, là c'était en papier, mais maintenant c'est en aluminium. Donc vous avez ce grand bâton qu'on appelle... Pas comme ça, toujours comme ça. Sinon, si ça part, tu perds pas tes mains. Comme ça, tu perds tes mains. Donc les mains tournées vers le ciel? Ouais. C'est le règlement, c'était comme ça. Je m'appelle Adrien Limousin, mon nom de guerre c'est l'élégant, parce que j'ai toujours grand soin d'avoir une tenue propre, bien pliée, une moustache bien taillée. Bon là je concède que la campagne a quand même un peu meurtri ma jolie moustache, mais je ne doute pas qu'après la victoire sur les Anglais que nous allons leur infliger dans quelques jours, je vais passer chez un bon barbier pour me remettre les moustaches en place. Donc vous y croyez? Mais bien sûr qu'on y croit, l'empereur est avec nous. On est tous dans l'armée française et nous jouons aussi l'admiration pour l'empereur. On s'amuse à dire vive l'empereur. Vous l'entendrez très souvent pendant la bataille, tout simplement parce qu'on se donne du courage, comme le faisaient les gens de l'époque. Mais pour être constitueur, il faut quand même être un petit peu admiratif quand même. De toute façon, objectivement parlant, il y a de quoi être admiratif de l'œuvre de cet homme. Non, moi je crie pas vive l'empereur, je ne suis pas du tout idolâtre. Non, je trouve ça d'un ridicule. Je n'admire pas l'empereur, déjà. Je suis un passionné d'histoire, moi c'est l'histoire de l'homme qui m'intéresse. Mais les emplumés, non, on les connaît trop bien. Et puis je trouve qu'il y a quand même une telle prétention à jouer des rôles de personnages connus, sauf peut-être Napoléon, parce que Franck Sanson le fait très bien. Mais des gars qui prétendent revivre Murat, tous des grands noms comme ça... trouve ça d'une telle prétention. Non, on était des obscurs. C'est les plus intéressants, c'est eux qui ont fait l'histoire. On dit toujours que Napoléon a gagné les batailles avec les jambes de ses soldats. Steve Contos, alias Nicolas Tincelin, sous-lieutenant au 1er régiment d'infanterie de ligne de l'armée impériale. Ma motivation a beaucoup évolué au fil du temps. Hein. Au début, je fonctionnais beaucoup à l'image d'Épinal. Puis au fur et à mesure, Napoléon, bah, c'est bien gentil, mais on a fait un peu le tour de la question assez rapidement. C'est pas ce qui passionne. Napoléon, il peut ne pas être là ce week-end. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour mettre à l'épreuve mes connaissances sur l'école du bataillon, sur les manœuvres. Faire manœuvrer les hommes, ça s'invente pas. C'est un gros travail de recherche historique, de compréhension, parce que c'est écrit dans un français qui est désuet. On suit les préceptes du règlement de manœuvre de l'infanterie du 1er août 1791. Donc moi, j'ai le devoir d'exercer mes hommes, de les former déjà, de leur apprendre à marcher ensemble, parce qu'ils vont marcher sur deux rangs extrêmement serrés. Hein. Ils sont quasiment plus serrés que des sardines en boîte, donc c'est inconfortable, ce n'est pas naturel. Et ils ont des principes de distance de pas, d'alignement. Et puis moi, il faut que je m'exerce aussi à manœuvrer aussi avec mes autres camarades chefs de peloton. On dirait que c'est rentré. Il n'y a pas pire qu'une troupe qui doit tendre l'arme au pied, qu'on forme les cadres. Quand on fait les choses sérieusement, les cadres ne se reposent pas beaucoup. Je m'appelle Giorgio Gremese, je suis originaire d'Italie, j'habite Paris. Et là, on se trouve auprès du bivouac de l'infanterie française. Et on se trouve au milieu de toutes les troupes qui, après une journée des préparations et d'entraînement, vient se relaxer, même avec des Anglais, mais avec les ennemis des démensoirs. Aujourd'hui, 18 juin, le jour même, à l'heure même en ce moment, de l'effondrement de la ligne française face aux armées anglaises et prussiennes. Je suis doctorant en histoire. Je travaille sous l'armée française en Italie entre 1800 et 1814, donc c'est un peu mon travail. Mais ici, c'est ma passion. Et donc, vous connaissez toutes ces chansons françaises ? Toutes les chansons, chansons des marches, chansons du bivouac, les hymnes comme les chants du départ ou Veillons au salut de l'Empire font partie de la tradition et des connaissances fondamentales aussi pour faire de la reconstitution. Donc, vous pouvez décliner la reconstitution à plusieurs niveaux. Ça peut être un jeu. Vous pouvez avoir des figurants, un terme qu'on n'aime pas du tout. Vous avez des personnes qui font de l'archéologie vivante. C'est des choses qui évoluent à des niveaux différents. Surtout parce que les gros problèmes du Napoléonien par rapport à la reconstitution d'autres époques, c'est les rapports numériques. La reconstitution napoléonienne n'a pas de sens s'il n'y a pas de grands nombres. Or, demain, on va être 5300 hommes, de deux côtés. 5300 hommes, il ne s'agit même pas d'une division. L'artillerie ne va pas être une artillerie mobile. Déjà, on a des difficultés à rassembler les cavaliers. Rassembler 6-8 chevaux par canon, ça devient presque impossible au niveau logistique aujourd'hui. Est-ce que pour autant ça vous apprend quelque chose de participer à ces reconstitutions ? Alors, c'est sûr que ça va clarifier certaines impressions qu'on a. Des fois, on a beau étudier sur les livres les évolutions d'une bataille, de toute la stratégie. Moi, je peux apporter un témoignage tout à fait vrai. Quand on s'est trouvé dans certains bicentenaires comme Leipzig en 2013 où on avait vraiment 4000 personnes, on s'est rendu compte qu'un simple soldat n'a pas du tout la perception du champ de bataille, qu'est-ce qui se passe. On s'en rend compte un ou deux semaines après quand on va regarder les vidéos sur YouTube. Et effectivement, ça permet de comprendre la fumée qui reste sous les champs de bataille, les bruits des canons, la complexité des règlements et donc comment ces hommes à cette époque-là étaient obligés à apprendre, surtout quand on pense que Aujourd'hui, les reconstitueurs viennent de tous les horizons sociaux. À l'époque, les instruits, les bacheliers étaient officiers minimum. Les citadins étaient très peu nombreux. La plupart venaient d'origine rurale, avec aucune instruction, avec aucune formation auparavant. En tant qu'officier, moi, je suis déjà formé. Je me forme tout le temps, mais il n'y a personne pour me former. C'est à moi de former les cadres. Comment vous vous formez ? Ben, j'étudie les textes avec un esprit critique. Je fais des fiches, j'apprends les commandements par cœur. Je révise la place de chacun. Je suis très schématique. De toute façon, ça ne fonctionne que comme ça pour comprendre. Donc, je prends soit des petits soldats de pont quand j'en ai, sinon c'est tout simplement des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des miettes de pain, des morceaux de sucre pour simuler mes cadres, etc. Et sur ma table de cuisine, je fais les manœuvres avec les commandements. J'utilise après les principes dictés par le général, alors je sais s'il était général, Schauenbourg. Il était inspecteur aux armées du Rhin. Et il a écrit des principes qui ont en fait synthétisé et fluidifié le règlement. Parce qu'il faut que les manœuvres, on est à la guerre, donc il faut que ce soit simple, limpide. Si c'est complexe, ça ne marche pas et c'est la tollée. Et tout ça, c'est édité, ça se trouve dans le commerce, ces ouvrages-là ? Pas du tout ! La chance qu'on a aujourd'hui au 21e siècle, que n'ont pas les premiers reconstitueurs qui ont commencé, c'est qu'on a Internet. Et on a une Bibliothèque nationale de France qui numérise en permanence tous les ouvrages et c'est gratuit. Et après, vous avez des gens dont c'est le métier ou qui ont le temps. Ils cherchent et ils vont dans les réserves des musées, ils vont dans les camps les plus improbables trouver des documents les plus improbables. Voilà. Donc on fait avec ces textes-là, c'est de l'historiographie, hein, c'est une passion. Là, sur cet événement, nous allons expérimenter la façon de former les rangs comme elle est prescrite par les diverses ordonnances, hein, c'est-à-dire en appelant les noms par ordre de taille. Il y a deux façons de former les pelotons. Soit on fait aligner sur un rang, on les fait compter, et ensuite on désigne le premier rang, puis le deuxième rang. Le deuxième rang ferme par le flanc, il se met derrière, on l'arrête, formé, à droite alignement, paf, c'est magnifique, ça marche, c'est de la géométrie parfaite. C'est formidable. Après, vous avez, on appelle les hommes et ils se mettent tous les uns à la suite des autres au fur et à mesure qu'on les appelle. Et le matin, au coin du jour, on entend ce maudit tambour. Dès le matin, au coin du jour, on entend ce maudit tambour qui nous appelle à faire l'exercice. Et toi, pauvre soldat, c'est ton plus grand supplice. Si l'argent du pré est mangé, il ne faut pas s'en étonner. Si l'argent du pré est mangé, il ne faut pas s'en étonner. Les caporaux s'en vont boire de la bière, et toi, pauvre soldat, va boire à la rivière. Si jamais en guerre nous allons... Je sais plus. Il y en a un autre avant, mais je sais plus. Je me suis l'adjudant Michonnet, mais mes potes m'appellent l'adjudant Chaudère, je suis chef Chaudère. J'ai choisi le grade d'adjudant-chef parce que je suis le pivot entre les officiers et les soldats, et c'est le premier grade qui peut mettre des bottes. Et souvent, je me mets soldat, et là, je suis le soldat Pithiviers. Toujours dans l'artillerie ? Toujours dans l'artillerie, parce qu'on est tranquille toute la journée. Parce que me lever à 6h au son du tambour, me promener avec mon fusil jusqu'à midi et faire le con, là, ça ne m'intéressait pas. Nous, dans l'artillerie, on est les gens relax. Et c'est votre 100e reconstitution ? Vous avez fait ça depuis très longtemps ? Écoute, moi je suis né à Waterloo, je suis tombé dans l'armée quand j'étais petit. Et donc, quand j'ai participé au 150e anniversaire, à l'école on avait fabriqué des uniformes comme on faisait à l'époque. La reconstitution n'existait pas, mais comme en Belgique, on est, contrairement à vous autres Français, on est très porté Napoléon avec nos marches folkloriques de l'entre-sambre et Meuse. Donc, à l'époque, on a fait défiler tous ces groupes historiques. C'était super beau à voir, voilà. Et nous, les écoles, on avait fabriqué des petits uniformes pour défiler avec les troupes. Ça fait 50 ans. Nous avons eu droit à un petit intermède musical. Et écoutez, les gars, dégagez. Donc, bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de recoudre le pantalon d'un des grenadiers. Je suis la couturière de la 8e de ligne. Et donc je suis sur le bivouac pour permettre à tous les soldats de partir à la bataille dans un uniforme complet. Les uniformes souffrent énormément pendant les campagnes, donc il y a toujours un point ou l'autre à refaire, un bouton à recoudre ou une couture à réparer. Le rassemblement total du groupe, c'est 120 soldats. Chacun vient avec ses cantinières, ce qui fait qu'ils ne doivent pas se faire à manger, ils ne doivent pas recoudre leurs boutons, ils ont le bivouac de rêve, quoi. Et les femmes sont bien traitées sur ce bivouac ? Toujours. À l'époque, les cantinières, les vivandières étaient même payées. C'était le magasin ambulant, en fin de compte. C'était le lavoir ambulant. Il y avait les blanchisseuses, il y avait les couturières, il y avait les vivandières, il y avait les cantinières. Je suis pratiquement la seule femme qui n'est pas ici avec son mari. Je suis couturière de la 8e par passion pour les uniformes de reconstitution et je fais ça depuis une douzaine d'années déjà. On n'a pas le droit de faire du tout ce qu'on veut, c'est vraiment militaire, donc l'espace entre les boutons, la manière de mettre un passepoil, la largeur des revers, tout ça est référencié dans les livres et voilà, il faut faire des recherches et faire en sorte qu'il soit le plus crédible possible. Tout est fait avec des matériaux comme à l'époque, donc drap de laine et lin. Et vous-même, vous confectionnez des uniformes ? Oui, oui, je fais pantalon, manteau, gilet, chemise, guêtre. Tout ce qui est vraiment tissu, c'est moi qui le refais. Nous, on est sur un uniforme dit bardin, c'est-à-dire au règlement de 1812. Il y a plusieurs règlements, vous avez le règlement de 1786. Après, il y a la Révolution, c'est un peu compliqué. Après, vous avez plusieurs ordonnances, 1801 et 1803, il me semble. Et après, vous avez un règlement qui arrive en 1806, mais qui n'a pas été suivi pour l'habit blanc. Mais la coupe est restée. Et l'évolution finale, c'est 1812, où là, on a l'usage vraiment militaire de l'uniforme. Là, vous avez l'uniforme fantassin troupier. C'est de la laine qui est doublée de toile, qui peut être de lin. Après, en général, les manches, elles sont en toile de jute. L'habit, il a un col écarlate. Elle peut être également garance pour des questions de prix à l'époque, puisque le prix de l'écarlate, c'est 14 francs et des poussières, qui représentent le mètre, qui représente une somme colossale. Le garance, c'est 4 francs. Donc l'armée va voir à l'économie, hein, on ne change pas les méthodes. Le fusilier d'infanterie, il n'a pas d'épaulette, il a deux pattes d'épaule. Les grenadiers et les voltigeurs ont des épaulettes qui s'attachent avec un bouton. Il y a beaucoup d'ornements, hein. On pense beaucoup à la mode à l'époque, on aime bien ça. Et tous ces vêtements, vous les achetez où? Vous les faites faire? Alors, il y a deux écoles, on se les fait soi-même ou on les fait faire. Ça marche souvent au réseau, j'ai une bonne couturière, t'as vu l'habit qu'elle m'a fait, purée, c'est vrai que c'est pas mal, alors là on regarde l'habit du copain, de toute façon on passe le week-end à ça. Et tout ça, ça a un coût, c'est une passion qui... C'est une passion très onéreuse. Je connais pas une tenue qui soit à moins de 5000 euros. Vous êtes entre 5000 et 10 000 euros à peu près. Nous quittons le bivouac français et marchons 1 km environ sur la Nationale 5 en direction de la butte du Lion. Entre les officiers à cheval, les soldats en armes et les hommes en gilets jaunes fluo, nous tournons à gauche sur la route de Plancenoit. Ici, moins d'uniformes bleus, mais du vert, du noir et surtout du rouge. Et il s'agit d'être polyglotte. Nous sommes au bivouac allié. Ja, ja. Dankjewel. Hello, this is a message of the logistic responsible Ron van Dijk. Je m'appelle Ron van Dijk et je suis le chef militaire logistique de tout le camp allié. Hier soir, nous avons fait un grand feu d'amitié et c'était vraiment chouette. Les Anglais, ils ont chanté, leurs musiciens, c'était incroyable. Il faut le dire, c'est très grand ici. C'est un bivouac avec 3000 personnes dedans. Je me sens un peu le bourgmestre d'un village. En effet, c'est moi qui ai dessiné le plan de bivouac. Parce qu'il faut se rendre compte que nous sommes une armée alliée. Cela veut dire que je dois travailler ensemble avec des Anglais, des Néerlandais, des Belges et des Allemands, les Prussiens. Ouais. Les troupes, ils sont en train de faire exercice parce que nous avons besoin de former les grands bataillons pour bâtir les Français. Alors, bonjour, je vous dérange pendant votre déjeuner? C'est pas grave. Je crois que j'ai encore une heure pour le manger avant que je dois être aux armes encore. OK. Ce matin, vous avez fait des manœuvres? Oui. Avec plus de soldats en rouge que j'ai jamais vu avant. Je m'appelle Wakefield. Je viens d'Oxford, d'Angleterre. Et voici Simon Davis, un de nos soldats. Et il connaît bien les chansons vieilles des guerres. Simon, can you sing any of them? Okay, so let's have a look at something that's not too insulting. Over the hills and far away, why not? Now the drums beat up again for all true soldiers, gentlemen. Then let us list and march, I say, over the hills and far away. And it's all the hills and all the main to Flanders, Portugal and Spain. King George commands and we'll obey over the hills and far away. Je suis le général Jean-Baptiste Van Merlen, commandant de la 2e brigade de cavalerie légère dans l'armée alliée, donc l'armée hollandaise, belgo-hollandaise, disons, parce qu'on parlait déjà un petit peu de la Belgique, pas du pays, mais de la région belge à ce moment-là. Je suis moi-même anversois. J'ai servi durant 14 ans aux ordres de Napoléon dans l'armée française. Et puis quand il est parti pour l'île d'Elbe, le pays, selon la Convention de Vienne, est devenu hollandais. Et donc je suis resté fidèle à mon souverain à ce moment-là. Mon frère Philippe, il a épousé une Alsacienne, ils sont restés en France. Ce qui veut dire que quand Napoléon est revenu, nous étions dans deux camps opposés. Vous-même, comment est-ce que vous en êtes venu à reconstituer ce personnage-là? En toute logique, comme tous les Belges, on regarde plutôt du côté français. Mais là, les rangs sont remplis, donc c'était difficile d'avoir une position là. Alors on m'a proposé la place du général Van Merlen, que honnêtement, je ne connaissais pas. Mais bon, j'ai bien sûr accepté, j'ai commencé à étudier le personnage et j'ai trouvé que c'était un héros avec toute l'ambivalence belge, avec une fois francophone, une fois français, une fois hollandais, une fois belge, enfin bon. Deuxième particularité, on ne parle pas assez des Belges alors, à la bataille de Waterloo. On a un petit monument là qui n'est même pas entretenu, je trouve ça très déplorable. Voilà, on les oublie. Si Waterloo a lieu, c'est peut-être grâce à mon personnage qui, ensemble avec la batterie des canons Bellevelt, ont retenu les armées françaises de Ney, deux jours avant la bataille de Waterloo, aux quatre bras. Ce qui a permis à Wellington de reculer, de s'installer ici à Waterloo. Et alors vous-même, le jour de Waterloo? Alors moi-même, le jour de Waterloo, effectivement, ce jour, le 18 juin 1815, vers 15 heures après avoir mené une charge, je mets pied à terre et un boulet de canon vient mourir dans mon ventre. Parce que nous étions derrière les lignes, les canons tirent en tir tendu, et puis le boulet tombe une première fois, et puis il tombe une deuxième fois, il continue sa course, et là, en bout de course, il me prend en plein ventre et donc tout l'intérieur déchiré. C'était vers 16 heures et je suis amené à la ferme de Mont-Saint-Jean, qui est l'hôpital entre guillemets anglais. Et là, je décède vers 18 heures. Et d'ailleurs, ce soir, vers 18 heures, nous allons déposer une gerbe à la croix là-bas, en honneur du général Van Merlen. Et dimanche, avec les deux descendants, nous déposerons aussi une fleur à l'église, dans l'église de Waterloo. C'est bon ce qu'on mange ici? Oui, ah, c'est super. Il y a eu des rumeurs de sardines, puis personne ici qui est vraiment fou de sardines, mais je vois pas de sardines sur la table, donc c'est bon. Vous venez spécialement du Canada? Oui, oui, c'est un événement qui est dans nos livres depuis des années. Là. Moi, depuis que j'ai commencé à faire la récréation historique, il y a 3 ans, c'est dès la première journée que je suis arrivé, ils m'ont dit « Ah oui, dans 3 ans, on s'en va en Belgique pour le 200e de Waterloo avec des milliers de soldats. » C'est excitant là, être ici, enfin. Et c'est excitant, comme dans le camp allié, il y a du monde qui parle allemand, il y a du monde qui parle hollandais. Ça donne vraiment une atmosphère internationale, comme la bataille il y a 200 ans. C'est un effort international contre l'empire de Napoléon. Et demain, la bataille, ça vous effraie ou... Non, non, non. C'est l'affaire la plus amusante. Dans le fond, on est toute une gang de gars ici pour se pointer des fusils et se tirer un peu. Donc, et avec tous les chevaux qu'il va avoir, je regardais leur manœuvre tantôt, ça va être... ça va peut-être faire un peu peur. Je suis nerveux pour ça, parce que c'est grand, un cheval, puis quand ça devient vers toi à 30-40 km à l'heure, là, toi, t'es planté là, un petit soldat avec ton bâton de bois. J'ai hâte, là. Une rotille! Musketeer Harry Pettersson. Her. 111 musketeer Hilstad. Her. 112 musketeer Eriksen. Her. 115 musketeer Antonsen. Je suis lieutenant-colonel de l'état-major prussien. Cette carte qui est là, qu'est-ce qu'elle montre? Ça représente une section de champ de bataille, le scénario. Cette méthode... de jouer était inventé à Berlin pour donner des instructions au prince royal. Chaque pièce représente une brigade ou bataillon. On voit bien la grande batterie des Anglais, la cavalerie de réserve et nos troupes qui vont rapprocher vers Plancenoit qui est défendu par quelques faibles unités françaises. Donc c'est vous qui faites ce plan de bataille qui va... J'ai le plan de la réponse. Mais le scénario est agréé avec notre adversaire, maréchal Ney, appelé Francky Simon. Vous connaissez certainement. Et c'est pour imaginer comme les troupes pourraient bouger sur le terrain. Il faut savoir qu'on peut être très précis avec de l'infanterie. C'est très difficile d'être précis avec de la cavalerie. On part sur un schéma qu'on ne va pas forcément respecter. Donc le chef de la compagnie va devoir un peu improviser. Si à ce moment-là, il devait charger, mais il a un carré d'infanterie devant lui, ben il va se poser, attendre, contourner. C'est pour ça que ce n'est pas toujours très crédible. On demande toujours aux cavaliers de ne pas tourner autour des carrés comme les Indiens autour d'une diligence. À l'époque, ça ne se faisait pas. Mais d'un autre côté, on ne va pas pénétrer non plus dans le carré. On ne va pas renverser les gars, quoi que ça s'est fait. Mais on ne peut pas. Donc, ce qu'on fait, on fait un tour, puis on passe à autre chose. On essaye d'affronter de la cavalerie adverse, ce qui est un petit peu plus raisonnable et un petit peu plus spectaculaire aussi. Il y a aussi le côté spectacle. Par exemple, Waterloo, on a beau le dire aux Anglais, on a toujours tous les ans l'impression qu'ils doivent regagner cette bataille. Donc, on va toujours leur dire de lever un peu le pied quand même, parce qu'ils sont très virils. Alors, on doit toujours les calmer. Et on avait, je ne vais pas le citer parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est un Anglais qui est là d'ailleurs. C'était un énervé à cheval, mais un excellent cavalier en plus. Il s'était mis en tête de capturer Napoléon. Ce qui n'est pas du tout historique, bien sûr. Et on a eu affaire quasi à une bagarre rangée pour l'empêcher de venir capturer Napoléon. Et là, il y a des coups qui se sont échangés et tout. Napoléon a dû quasi fuir avec ses chasseurs de la garde parce que l'autre était convaincu qu'il allait capturer Napoléon. Mais c'est quand même une faute grave pour un reconstituteur de faire ça. Il a été, à mon grand dam, je vais vous le dire, c'était pas mon avis, il a été interdit quand même 5 ans ici, il n'a plus pu venir. À mon grand dam, parce que je l'appréciais moins énormément, parce que c'était un cavalier que je pouvais affronter. On se connaissait, on se cherchait toujours du regard sur le champ de bataille pour croiser le fer. Croiser le fer, c'est-à-dire au sabre, cheval contre cheval Moi, je cherchais le contact, oui, ouais, tout à fait. En étant raisonnable, si je me retrouvais devant un cavalier que je voyais bien qui était quasi pas maître de sa bête ou qui était occupé à se faire dessus, j'allais pas l'engager. Mais si je voyais, par exemple, un cavalier qui sortait le sabre ou qui se la pétait un peu trop, alors c'est gay aussi, on les fait redescendre de quelques niveaux, mais c'est gay. Garde à vous, peloton. Portez. Aux armes. À droite. Alignement. Rapide, rapide, rapide, rapide, rapide, rapide, rapide. Fixe. La garde a toujours été utilisée comme réserve ultime, celle qui emportait la décision de la bataille. Et de pouvoir participer à ce dernier baroud d'honneur, lors duquel la garde a quand même brillé, a quand même montré toute sa valeur, en résistant jusqu'au dernier homme, pas en se débandant et en partant à travers les champs pour faire le sauve-qui-peut. Nous, dans notre association, nous essayons d'avoir cet esprit. Nous représentons ces hommes. On n'a pas leur niveau, c'est évident, mais au moins on se donne à fond, parce qu'on ne peut pas, par respect pour ces hommes, être des carnavaliers. On ne peut pas être juste un uniforme qui se pavane. Et finalement, participer à la bataille de Waterloo, nous serons dans les derniers à partir à l'assaut. Tous les régiments d'infanterie, de cavalerie auront donné tout ce qu'ils pourront pour vaincre ce Wellington et contenir les Prussiens qui débordent sur notre flanc droit. C'est nous qui allons être le dernier espoir de l'empereur. Nous ne réussirons pas et nous entrerons quand même dans la légende. Merci à Dédé Reinhardt, Arnaud Limousin, l'adjudant Micholet, Steve Contos, Giorgio Cremese, Francky Simon, Franck Sanson, ainsi qu'aux Baveux pour ses chansons, et à tous les reconstitueurs croisés et interrogés pendant ces quelques jours. Merci aussi à Étienne Claude, directeur de l'ASBL Bataille de Waterloo 1815, et à Laurence Nellis, Isabelle de Groot, Eva Janssens et toute l'équipe organisatrice de cet événement. Quand est-ce que vous allez tirer votre premier coup de canon ? Ce soir, à la reconstitution ? Bah oui, oui, bien sûr. Hein. Aucun entraînement ? Non, bah non, on est un professionnel, nous. Nous, on s'entraîne de rien du tout. Nous, la journée, on se promène. Nous autres, c'est la vie en bivouac. Nous autres, le spectacle, il commence la nuit, quand tous les civils sont partis, que le soleil s'en va, et que tous nos feux s'allument, et que la soupe cuit dessus, ça, c'est le meilleur moment pour nous. C'est ça qui nous intéresse. La bataille, on n'a rien à foutre. Mais quand même, pour faire marcher vos canons ? Bon, on s'en passe bien, après, il faut les nettoyer. En artillerie, on a des grands philosophes. Prise de son, Yann Fressy et Dofar Guérid. Mixage, Éric Boisset. Waterloo 2015, Côté Bivouac. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Séverine Cassard. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter ce documentaire ainsi que celui de mardi sur la bataille de Marignan et sa reconstitution sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Demain, nous continuons et terminons cette semaine quand le public s'empare de l'histoire en nous interrogeant sur les usages de l'histoire dans l'espace public, sur ce qu'on appelle parfois la public history ou l'histoire publique. À demain.